Chapitre 40e. Deux jours s'écoulèrent, deux terribles journées qui parurent bien longues à Rose et bien courtes à André, ainsi qu'à Marguerite. Enfin, le jour du départ de celle-ci étant fixé au samedi, Langlois écrivit un mot au jeune ingénieur afin de l'en prévenir, pour que dans la soirée du vendredi, il vînt faire ses adieux officiels aux voyageuses. André se présenta le cœur plein de pensées amères. Il en voulait au monde entier, et plus particulièrement à lui-même. Toute la famille avait l'air mal à l'aise. Une demi-heure s'était déjà trouvée employée en propos oiseux. Et le jeune homme sentait confusément que Langlois et sa femme seraient bien aises de le voir se retirer, lorsque Marguerite se leva et dit de sa voix tranquille « J'ai quelque chose à vous dire, monsieur André. Voulez-vous venir un instant par ici ?» Elle indiquait le salon, où elle avait eu la précaution de faire porter une lampe. Son beau-frère et sa sœur la regardèrent d'un air inquiet. Elle les rassura d'un demi-sourire et précéda André dans la pièce voisine dont elle ferma la porte. Il la regarda une seconde avec une expression de douleur passionnée qui allait la troubler. « Non, » dit-elle en posant sa main fluette sur les yeux qui la contemplaient. « Ce que j'ai à vous dire est très grave. Écoutez-moi sans arrière-pensée d'égoïsme. Nous nous voyons aujourd'hui pour la dernière fois. « J'espère bien que non, » s'écria André incapable de se contenir. Pour la dernière fois d'ici très longtemps, veux-je dire. Êtes-vous sûr, mon ami, que nous avons rempli tous nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et aussi des autres? Nous ne faisons que cela, dit le jeune homme d'un ton plein de ressentiment. Il me semble que nous sacrifions tout au devoir. Qu'est-ce que nous pourrions bien lui offrir dont il ne nous est pas encore dépouillé? Marguerite éluda une réponse directe. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que votre femme pensait de l'existence qu'elle-même? Vous ne vous êtes jamais demandé ce que votre femme pensait de l'existence qu'elle mène auprès de vous? Que m'importe, fit-il avec un geste insouciant. Vous êtes-vous aperçu qu'elle souffrait? André pensa que Langlois avait parlé de sa visite chez Rose et répondit « Oui, et ensuite, qu'elle souffrait à cause de vous? » Ceci m'est indifférent, fit André. Elle ne souffrira jamais autant qu'elle nous a fait souffrir. La loi du talion n'est pas une loi de clémence, dit Marguerite avec une nuance de sévérité. Ce n'est même pas une loi de justice, car elle inflige la souffrance avec connaissance de cause, ce qui est plus cruel que juste. Et puis il y a les faits, mon ami. Vous vivez avec votre femme, soyez bon pour elle. Elle est très malheureuse, très repentante. Marguerite, s'écria André bouleversé. Je l'ai vue, mon cher, cher ami, continua la jeune fille en parlant rapidement pour ne pas lui laisser le temps de l'interrompre. Elle souffre plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle est pleine de remords. Si vous le vouliez, vous pourriez recommencer avec elle une existence heureuse. » Le jeune homme l'écoutait, la tête baissée. Il lui prit tout à coup les deux mains et regardait les yeux de la jeune fille, rayonnante de la joie pure du sacrifice. Sa pâleur se colorait d'une teinte rosée. Elle souriait, en sentant s'enfoncer dans son cœur les épines du martyr, heureuse, vraiment heureuse, de pouvoir s'immoler pleinement aux plus nobles sentiments de la nature humaine. « Marguerite, lui dit-il. Je vous aime plus que jamais. Cette minute marquera dans mon existence une date nouvelle, car elle vous montre à moi sous un jour presque divin. Vous avez renoncé à vous-même avec une grandeur qui me bouleverse, et que je voudrais pouvoir imiter. Mais je n'ose, ma pure et chère fiancée, vous dire pourquoi jamais cette femme ne me sera rien. Je lui aurais pardonné de m'avoir rendu malheureux, de m'avoir frappé un coup qui pouvait être mortel, de m'avoir fait encourir une accusation de meurtre. J'aurais tout pardonné, même la prison, même les angoisses, même, oh Marguerite, c'est votre abnégation qui m'inspire le courage de le dire, même ce que nous avons souffert, ce que nous souffrons en ce moment, ce que nous souffrirons encore, pendant des années, toute la vie peut-être, mais il y a quelque chose que je ne puis oublier, que rien ne peut effacer, rien. » Elle le regardait avec ses yeux chastes, et il continua. « Cette femme ne peut plus être à moi depuis qu'elle a appartenu à un autre. Je saurai qu'elle est cette autre demain si je le voulais. Je ne veux pas le savoir, de peur d'en vouloir à un être innocent en réalité, car elle est seule coupable. Cette femme pourrait vivre des années sous mon toit. Je la défendrai et je la couvrirai de mon honneur si quelqu'un l'attaquait, mais elle ne m'est et ne me sera jamais qu'une étrangère. » Marguerite resta immobile, les yeux fixés à terre. « Je vous comprends, » dit-elle enfin. « La pauvre créature aura une longue et pénible expiation. » « Ce n'est que justice, Marguerite, ce n'est pas le talion. » Elle leva les yeux sur lui après un moment de réflexion. Alors disons-nous adieu. Et allez-vous-en tout de suite. Si vite, une minute encore. Non. Ayez du courage. Il m'en faut aussi. N'usez pas le peu que j'en ai. Adieu. Il l'attira sur sa poitrine et l'y tint étroitement serré. Ma vie, ma joie, mon âme, lui dit-il tout bas, quand il put parler. Au revoir. Oui, au revoir. Fit-elle avec un sourire qui n'était presque plus de ce monde. Il relâcha son étreinte et la retint une seconde en la tenant par les deux mains, puis elle lui retira doucement ses doigts, le regardant toujours. Il restait devant elle et lui indiqua la porte du salon, d'un signe de tête. Il obéit, les yeux fixés sur son sourire. Quand la porte se fut fermée, elle se laissa tomber sous le petit canapé où elle avait fait asseoir Rose. « Pourvu que je meure là-bas, » se dit-elle lentement, en pressant son mouchoir sur ses lèvres pour étouffer un sanglot. « Ce serait trop dur de revenir ici pour le voir souffrir encore. » Une langueur infinie s'empara d'elle, et lui sembla qu'elle perdait pied, et qu'il se sentait entraîné dans un courant d'eau tiède, plein de remous, qui lui donnait le vertige. Lorsque Claire entra l'instant d'après, elle trouva Marguerite évanouie. La porte de la rue se refermait en ce moment sur André. La jeune femme poussa un cri qui appela son mari. « J'aurais dû m'en douter, » gronda celui-ci. « Tout est à recommencer, et cette fois ce sera peut-être encore plus difficile. » Il mit tous ses soins à ranimer la jeune fille qui remata elle assez promptement. « Comment te sens-tu ? » lui demanda Claire aussitôt qu'elle ouvrit les yeux. « Pas mal. Il me semble seulement que je n'ai plus de corps du tout, » répondit Marguerite. Elle n'était plus guère qu'une âme. Elle s'endormit paisiblement quelques instants après, sans avoir prononcé le nom d'André, mais elle l'avait dans son esprit, comme un astre lumineux qui la réchauffait et qui seul la faisait vivre.